les preuves. Avant d'arriver tout là-haut dans la rue, personne te pistonne. J'ai dû en vendre à foudre. On m'avait promis un paquet de gré et mener une vie sans. Dans le Mercedes, rabat la laisse. Prends le volant, pour pas trop de questions. Mets-toi à l'aise, j'enroule un autre. T'es mal à la ligne d'arriver à l'horizon. Il m'a fallu des épaules pour construire une carrière. Et dans les fréquentations qui s'abattent. Il m'a fallu des épaules pour construire une carrière. Pas besoin de mathématiques, lui, bon, sur what tu restes couché. Une fin tragique, mauvais lundi. Chaque jour, je pense qu'à refaire. Chaque jour, je pense qu'à refaire pour casser. Vendage, monte à hauteur. Je vais quiller le moteur comme jamais. C'est Dieu qui donne, je peux pas calmer ma main. Tu peux pas dire que j'ai pas mérité. Et de la mort, personne te n'est pas fin. J'ai des trucs qui pèsent comme la vérité. Chaque jour, je pense qu'à refaire. Chaque jour, je pense qu'à refaire pour casser. Vendage, monte à hauteur. J'ai volé un peu trop dans le ghetto et maintenant je peux plus atterrir. J'suis pas du genre à faire la tête. J'ai les brigades sur mon dos, mais c'est pas bon que j'ai l'affaire. Non, y'a des gars qui vont me trahir. Flashy, je pète une garo. Fais crier le moteur du RS. Je reste un homme et j'ai des pistes. Ils ont jamais tenu leur promesse. Fluide, man, sur quoi tu restes couché. Sur le fruit de la baie.